et leur lumière métallique. Dans tes yeux aluminium, qu'est-ce que tu étais mignonne. Nous entions sans trêve la nuit et les rêves. Les rues se déroulaient vers un horizon désolé. La ville était toute ronde comme un chat que l'on gronde. Entendais-tu les anges, ma blonde, qui chantaient l'amour au monde? C'est exactement là que je t'ai vu la première fois. J'avais des défibrillateurs pour survivre à notre bonheur. J'hurlais au monde entier que de toi j'étais fou allié. Aujourd'hui je me rappelle comme je reviens dans cette ville. Aujourd'hui je me rappelle et mes larmes dégringolent. Comme le temps s'est enfui loin devant sans qu'on puisse en freiner le mouvement. J'aurais tant aimé que tu sois là pour te souvenir avec moi. J'aurais tant aimé que tu sois là. C'est si fort, des souvenirs comme ça. Des souvenirs qui font trembler ma voix. Des souvenirs encore une dernière fois. Des lunes électriques reflétaient leur lumière métallique. Dans tes yeux aluminium, qu'est-ce que tu étais mignon. Nous entions sans trêve la nuit et les rêves.